Nous arrivons maintenant à l'étude des grains, des jardins, des fleurs et de tout ce que la terre, outre les arbres et les arbrisseaux, produit avec bénignité. Contemplation infinie, fût-elle même bordée aux herbes, si on calcule les variétés, le nombre, la floraison, les odeurs, les couleurs, les sucs, les vertus des plantes que le sol engendre pour la conservation ou le plaisir des hommes. Sur ce point, je veux avant tout plaider la cause de la terre et me faire l'avocat de la mère commune de toutes choses, bien que je l'ai déjà défendue au début de cet ouvrage. Car le sujet lui-même, dans le corps de mon livre, m'amène à la considérer comme produisant aussi des substances nuisibles. Et là-dessus, nous la chargeons de nos crimes et lui imputons nos fautes. Elle a produit des poisons. Mais qui les trouva, si ce n'est l'homme? Les oiseaux et les bêtes sauvages se contentent d'y prendre garde et de les éviter. Les éléphants et les aurochs savent aiguiser et limer leurs cornes contre un arbre, le rhinocéros contre un rocher. Les sangliers affilent leur défense en poignard contre les arbres et les rochers. Les animaux savent se préparer à nuire. Toutefois, quel est celui d'entre eux, excepté l'homme, qui empoisonne ses armes? Nous, nous empoisonnons les flèches, et au fer même, nous donnons quelque chose de plus malfaisant. Nous, nous infectons les fleuves et les éléments de la nature. L'air même qui entretient la vie, nous en faisons une cause de mort. Et il ne faut pas parler ici d'ignorance chez les animaux. Néanmoins, aucun d'eux, si ce n'est l'homme, n'emploie pour arme un poison étranger. Avouons donc notre faute, nous qui ne nous contentons pas des poisons qui naissent spontanément. En effet, combien la main des hommes en prépare en grand nombre? Que dis-je, les hommes, ne secrètent-ils pas aussi des sortes de poisons? Ils vibrent une langue noire comme celle des serpents. Leur âme venimeuse brûle ce qu'elle touche. Ils inculpent tout, et, semblables à des oiseaux funèbres, ils troublent leurs ténèbres et le repos de leur nuit par un gémissement, seule voix qu'ils fassent entendre, voulant, comme les animaux de mauvais augure, empêcher par leur rencontre les autres d'agir et d'être utiles à la société. La seule jouissance de ces êtres détestables, c'est de tout haïr. Mais la nature, majestueuse en cela même, a engendré, en bien plus grand nombre, les hommes honnêtes et vertueux, comme elle est plus féconde en plantes salutaires et nutritives. C'est en vue de l'estime et de la joie de ces gens de bien que nous aussi, abandonnant ces individus qui ne sont que mauvaises herbes vouées au feu, nous continuerons à servir l'humanité et avec d'autant plus de constance que nous désirons davantage faire un ouvrage utile qu'obtenir la faveur de la renommée. Nous n'avons il vrai à parler que des campagnes et des travaux rustiques, mais de ces travaux dépend notre vie et c'est l'occupation la plus honorée chez les anciens. Suivent 3 pages sur l'importance de l'agriculture dans la Rome primitive. Les anciens ont pensé qu'avant tout il fallait garder une mesure dans l'étendue d'une terre, car leur maxime était « semer moins et labourer mieux ». Je vois que telle était aussi l'opinion de Virgile. À vrai dire, les grandes propriétés ont perdu l'Italie. Et elles commencent déjà à perdre les provinces. 6 propriétaires possédaient la moitié de l'Afrique lorsque l'empereur Néron les mit à mort. Pompée, par une grandeur d'âme particulière, dont il faut lui tenir compte, n'acheta jamais le champ d'un voisin. Magon veut qu'en achetant une terre, on vende sa maison de ville. Précepte trop dur et qui n'est pas conforme à l'utilité publique. C'est par cet exorde qu'il commence son traité. Cela montre du moins qu'il voulait que le propriétaire résidât sur son domaine. Une anecdote célèbre. Je ne puis m'empêcher de citer un exemple pris dans l'Antiquité, témoignant qu'on était dans l'usage de porter devant le peuple même des affaires relatives à l'agriculture, et montrant comment se défendaient les hommes de ce temps. Furius Crésimus, un affranchi, tirait d'un très petit champ des récoltes beaucoup plus abondantes que ses voisins n'en tiraient de vastes domaines. Aussi était-il l'objet d'une grande jalousie, et on l'accusait d'attirer les moissons d'autrui par des maléfices. Cité à comparaître en justice pour ce motif, et craignant d'être condamné quand les tribus auraient à voter, il vint sur le forum avec tous ses instruments agricoles, ses gens robustes et, comme dit Pison, bien nourris et bien vêtus, ses outils parfaitement faits, de lourds hoyaux, des sacs pesants, des bœufs bien repus. Puis il dit « Voilà, Romains, mes maléfices, et je ne puis vous montrer ni faire venir sur le forum mes soirées de travail, mes veilles et mes sueurs. » Il fut acquitté d'un suffrage unanime. En effet, la culture veut du travail et non de la dépense. Aussi les anciens ont-ils dit que l'œil du maître était ce qui fertilisait le mieux un champ. La moisson elle-même se fait de différentes façons. Dans les vastes domaines des Gaules, une grande caisse dont le bord est armé de dents et qui est montée sur deux roues est conduite dans le champ de blé par un bœuf qui la pousse devant lui. Les épis arrachés par les dents tombent dans la caisse. Ailleurs, on coupe les chaumes par le milieu à l'aide d'une faucille. Là, on coupe le blé à racine. Ailleurs, on l'arrache avec la racine et ceux qui emploient ce procédé prétendent que par là, ils donnent au sol une espèce de labour, tandis qu'ils ne font qu'annoter le sucre.